décorons l'arbre de Noël pour la grande nuit. Et nos voix en belle harmonie monteront vers le ciel. Le sapin sera le plus joli. Chantons ensemble cette douce nuit. Décorons l'arbre de Noël pour la grande nuit. Petit gâteau, belle harmonie, monterons vers le ciel. Le sapin sera le plus joli. Chantons ensemble cette douce nuit. Chantons ensemble